Bonsoir à tous, bonsoir à toutes en ce lundi 16 décembre. Bienvenue au Terminus. Le Terminus, c'est quoi? Ben, c'est une émission dédiée au rock indépendant et je m'appelle Jean-François Lusignan avec vous pour cette dernière émission de contenu original pour cette année, parce que la semaine prochaine, ça sera une émission le meilleur de 2013, pas nécessairement des tops, là, mais des trucs que j'ai bien aimés et qui sont sortis plus tôt cette année, à la liste des chansons qui va tourner dans la prochaine heure, 60 prochaines minutes. Se retrouveront sur le CISM893.ca, justement, à la fin de cette belle émission-là qui commence avec, dans les prochaines minutes, vous allez entendre de la musique de Dissolve, un duo de San Francisco qui font dans la Dream Pop. Il s'appelait auparavant Modern Charms, mais il semble qu'il y a un gars qui est parti. Et maintenant, il s'appelle donc Dissolve. Ils sortiront en mars prochain un EP qui porte leur propre nom, Dissolve. On entend le premier extrait qui s'appelle Statement, mais on commence tout de suite, à l'instant, là, avec Toy, groupe anglais qui sortait mardi dernier leur deuxième album en deux ans, album qui lui s'appelle Join the Dots. Super bon album. Peut-être une sortie un peu trop tardive pour figurer dans les tops de l'année, malheureusement. On va écouter la chanson It's Been So Long de Toy à l'instant sur les ondes de CISM. It's been so long, you're the time of the king. de l'album The Age of Fracture qui va paraître le 27 janvier. C'était Symbols avec la chanson Erosion. Juste avant, c'était la formation Dissolve et leur chanson Statement. Et eux aussi ont de la nouvelle musique qui va paraître au début de l'année prochaine. Vous pouvez aller voir ça sur le dissolvemusic.bandcamp.com. Sinon, on avait commencé le segment avec Toy. Eux, ils ont un album qui vient de sortir. Il s'appelle Join the Dots. Le prochain segment va être un peu plus lourd, un peu plus rock. Et on va commencer ça avec Grass is Green, groupe de Boston, qui lance, eux, le 14 janvier, l'album Vacation Vinny sur Exploding in Sound Records, label new-yorkais, super intéressant si vous aimez le rock alternatif slash grunge. On va écouter le premier extrait de cet album-là apparaître. Il s'appelle Sammy Sosik de la formation Grass is Green à l'émission Le Terminus. Yeah. C'était Pachar Gacha avec la chanson Buzz, une chanson tirée de l'album Weird Head paru plus tôt cet automne. Je vais le reprononcer, Pachar Gacha, c'est ça. C'était précédé de Hemoglobin, des jeunes gens de Vancouver qui semblent aimer en tout cas le grunge. Et c'est une chanson qui se retrouvait, enfin non, c'était la chanson Hand Sanitizer Cocktail, qui se retrouve sur un split qu'ils ont fait avec la formation Berta Cool plus tôt cette année, qui est sorti sur le label de Vancouver, Napkin Records. On va poursuivre avec quelque chose d'un peu dans le même ton, encore un peu plus lourd. Ça va être un duo, en fait. Vous allez entendre dans les prochaines minutes de Pack AD avec la version française de la chanson Sirens. Mais pour l'instant, tout de suite, on écoute un groupe qui ouvrait pour la dernière tournée de Ice Age, en tout cas lorsqu'ils sont passés à Montréal plus tôt cette année. C'est le groupe danois, ouais, Lauer, avec la chanson Escape. Tout ça sur les ondes de CISM. Jusqu'à 20h, vous écoutez l'émission Le Terminus. Vous venez d'entendre The Pack AD avec la version française de leur chanson Sirens qui était sortie à l'origine, je pense en 2012. Et là, c'est une version française qu'ils ont sortie sur un 7 pouces. Le groupe qui est de Vancouver va sortir justement un nouvel album le 28 janvier prochain, mais il devrait pas y avoir de chansons en français cette fois-ci. Et avant ça, vous avez entendu les Danois de Lauer avec la chanson Escape. On va maintenant ralentir un peu le tempo avec Forced Random, le projet d'Oliver Girdler, un gars de Londres. Il a lancé en septembre 5 chansons. En fait, ça fait donc un EP. Il s'appelle It's Not Your Fault, I Don't Blame You. Et par moments, ça fait quand même penser à Elliott Smith. Je vous laisse vous en faire votre propre idée avec la chanson Once Again de Forced Random sur les ondes de CISM 89.3. Secret. Nouvelle chanson de la formation Speedy Ortiz qui s'appelle Everything's Bigger. Ça se retrouvera sur un EP qui va sortir le 11 février pour être précis. Real EP, non, Real Hair EP, que ça va s'appeler ce EP-là. Ça fait moins d'un an que leur premier album va être sorti. Major Arcana, lui, c'était quelque chose au printemps dernier, il me semble. Donc, beaucoup de musique pour Speedy Ortiz. C'était précédé de Doug Day et la chanson Sunset. Et leur album, eux, c'est un band des Maritimes, ça, Doug Day. Leur album Fade Out est actuellement sur le palmarès de CSM, justement. Donc, vous allez en réentendre sûrement dans les prochains jours sur les ondes de la station. On va continuer avec de la musique en français, avec Le Nombre, une chanson qui sortait en 2002. Ça s'appelle « Je visse une ampoule ». On écoute ça à l'instant. Je suis un être amphibien, à mon aise dans le voyant sur un rame ambré. Je suis l'ambassadeur, toujours le seul à me représenter. On me dit tant vicieux, c'est vrai je suis sur le coup de l'année. Je suis du type ambiant, et ça m'arrive de tous les côtés. Je visse une ampoule, je visse une ampoule, pour mieux t'éclairer. Mais si ça t'embrouille, c'est pas laisse moi simplement embrasser. Je suis du champ vitesse, je frappe déçu de tes côtés. Je suis ambivalent, je n'arrive pas, je n'arrive plus. Décidé. Je suis un homme ambigu, ça ce n'est pas fait. quand il fait mes frais dehors, qu'est-ce que j'ai le goût de m'acheter un char. Ça se termine comme ça. C'était en 1994 le premier démo du groupe qu'on appelle parfois groupe culte WD-40, avec une chanson qui est encore d'actualité, un char entre parenthèses, Chris que j'ai le goût de m'acheter, chanson qui je crois il me semble était reprise sur l'album Aux frontières de l'asphalte, sauf erreur. Donc WD-40 qui refont surface ces jours-ci, ils ont remis toute leur musique disponible sur Bandcamp. C'est le w-40.bandcamp.com. Là-dessus, vous pouvez acheter tout leur matériel jusqu'à ces démos-là de 94, également deuxième démo sorti en 95. Et le groupe serait actuellement à travailler sur du nouveau matériel. Donc les fruits de ces ventes serviront, il semble, à financer un nouvel album. Le groupe qui n'a pas sorti de nouvelle musique depuis Saint Panache en 2006, ça commence à faire longtemps. Alors, c'est à suivre WD-40 de la nouvelle musique prochainement. Juste avant, c'était Happy Diving, formation de San Francisco, avec la chanson Sincere. Dans quelques instants, dans quelques minutes, restez là. Roman Blouin sera là pour l'émission Nous sommes les rockers. Elle a même un invité qui s'en vient également, Sonny Duval, pour la liste des chansons qui a tourné durant l'heure. Vous pouvez vous rendre dans quelques instants sur le CISM893.ca ou sur leterminus.ca pour les archives. Quant à nous, on se quitte avec la musique d'une formation de Grenoble. Il s'appelle Rien. On écoute leur chanson instrumentale, This is Our Grunge. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle lundi prochain, 19h, pour Le Terminus. Ciao.